Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, centre Europe Direct, territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Alors, depuis le 1er janvier, la France assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, et ce, pour une période de 6 mois. En quoi consiste cette présidence tournante du Conseil de l'Union européenne ? La présidence du Conseil de l'Union européenne, elle est assurée à tour de rôle par chaque État membre pour une période de 6 mois. La France, elle succède ainsi à la Slovénie, qui présidait l'institution jusqu'au 31 décembre 2021. Et ce sera ensuite à la République tchèque que la France laissera la place au second semestre 2022. Cette présidence de courte durée, elle permet ainsi à chaque État membre d'être représenté à un moment à la tête de l'institution. Est-ce que ça signifie qu'Emmanuel Macron va présider l'Union européenne ? Alors non, hein, il va présider le Conseil de l'Union européenne et pas le Conseil européen. Alors c'est une nuance capitale pour comprendre le rôle de la France ces 6 prochains mois. Quelle différence avec le Conseil européen ? Qu'est-ce que le Conseil européen ? Alors le Conseil européen, il rassemble lui les chefs d'État ou de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne et c'est le Belge Charles Michel qui en assure la présidence. Très concrètement, en quoi consiste cette présidence ? Alors, présider le Conseil de l'Union européenne, c'est donc avant tout présider des conseils de ministres au niveau européen. Ce rôle, il reviendra donc aux ministres français qui devront préparer les réunions en amont, présider les séances quand elles se tiendront, représenter l'ensemble des ministres européens auprès de la Commission, du Parlement ou d'institutions internationales. Et quel va être le rôle d'Emmanuel Macron durant cette présidence ? Alors, le rôle d'Emmanuel Macron et des ministres dans le cadre de cette présidence, c'est celui de broker, c'est-à-dire qu'ils vont tenter de trouver la voie des compromis pour faire avancer les négociations européennes sur les chantiers législatifs en cours et ainsi parvenir à trouver des accords. Merci Camille, on va marquer une pause dans votre chronique Europe On Air. On écoute tout de suite la chanson d'Angèle, Bruxelles, je t'aime. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas vous écoutez Fadjet sur 94.2. De retour sur Radio Fadjet pour l'émission Europe en Air, présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Alors aujourd'hui, on parle de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et quels vont être les dossiers que la présidence française du Conseil de l'Union européenne va mettre au-dessus de la pile? Eh bien, Emmanuel Macron a présenté ses priorités le jeudi 9 décembre en rappelant qu'il s'agissait d'un moment historique pour la France car cette présidence, elle ne revient que tous les 13 ans. Alors la devise choisie pour cette présidence, c'est relance, puissance et appartenance. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, alors un des premiers sujets mis sur la table par Emmanuel Macron est l'Europe souveraine. Une Europe donc davantage autonome et indépendante, et ce à plusieurs niveaux. Alors il veut notamment réformer l'espace de libre circulation, l'espace Schengen, en améliorant la protection des frontières et en instaurant un mécanisme de soutien de protection aux frontières en cas de crise. Il a également indiqué vouloir travailler avec les pays de transit et de départ, notamment les pays d'Afrique, et harmoniser les règles d'asile au niveau européen. Et quels seront les autres axes de travail? Alors, toujours concernant l'Europe souveraine, il a indiqué vouloir une Europe de la défense avec un livre blanc sur la défense, qui rassemblerait donc l'état des menaces, les ambitions. Et il souhaite mettre en place une boussole stratégique. A-t-il fait référence à d'autres sujets? Oui, il a notamment détaillé son projet de nouveau modèle européen de croissance avec l'investissement dans l'emploi, notamment dans les secteurs qui créent de la valeur ajoutée et qui permettent d'avoir une autonomie européenne. Donc là, il a mentionné les secteurs de l'hydrogène, des batteries ou encore des semi-conducteurs. Et comme il l'a souligné, c'est la seule façon pour l'Europe d'exercer une influence dans le monde, de créer des emplois sur le continent européen et de permettre à l'Europe de définir les standards de demain. Et comment compte-t-il y parvenir? Alors, il souhaite que cette politique industrielle européenne, elle soit respectueuse du climat et qu'elle contribue ainsi au pacte vert pour l'Europe qui vise à faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre en émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Alors dans ce domaine, il souhaite précisément l'instauration d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Dans le principe, cela signifierait d'éviter des biais de compétitivité en allant acheter des produits sur d'autres marchés, mais qui ne seraient pas forcément plus respectueux de l'environnement ou qui auraient un coût environnemental plus élevé. On sait qu'une des priorités de l'Union européenne, c'est aussi la transformation numérique. Quelles sont ses propositions dans ce domaine? Alors, il a effectivement proposé d'adopter un premier acte sur le marché numérique qui permettrait de réguler l'économie de ce secteur, donc en gros, taxer les GAFA. Il souhaite l'adoption d'un acte sur les services numériques avec un régime de responsabilité des plateformes pour lutter notamment contre la haine en ligne. Il souhaite notamment rendre les plateformes responsables du contenu qu'elles diffusent. Les frontières, l'emploi, le numérique, le changement climatique, que propose-t-il en ce qui concerne la politique sociale? A-t-il fait mention à quelque chose? Alors oui, il a notamment précisé vouloir l'aboutissement des discussions sur la directive européenne sur les salaires minimums. Et va-t-il pouvoir mettre en avant ses priorités? Alors oui et non, présider l'Union européenne, ça signifie, en tout cas le Conseil de l'Union européenne, ça signifie récupérer des dossiers en cours qui ont été négociés depuis des mois, voire des années. Et puis présider oblige même en principe à un devoir d'écoute et de neutralité. Mais la présidence du Conseil de l'Union européenne, elle permet malgré tout de faire avancer son agenda européen à plus long terme et de diffuser ses idées. Les priorités qui sont affichées donc par l'exécutif pour cette présidence européenne, elles peuvent donc être séparées en deux catégories, les dossiers obligés qui ont été hérités et ceux que le pays qui préside veut mettre au-dessus de la pile. Peut-être une dernière question, Camille. Est-ce qu'il va réussir à porter et à défendre tous ces sujets? Alors effectivement, c'est une question légitime. Le président, il dispose de 6 mois seulement. Ça semble bien court au vu du nombre de sujets traités et du temps européen qui, lui, est plutôt long et qui s'inscrit plutôt dans le compromis et la négociation. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est ambitieux et que l'Europe en a bien besoin. Merci beaucoup, Camille, pour ces éclaircissements. C'était votre chronique Europe On Air sur Radio Fadjet, présentée par l'association Citoyens Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.